Les voix VQX et Patrick Pénaud. Paranoïa ou pas, Al-Qaïda fait toujours peur, surtout aux États-Unis bien sûr. Mais Al-Qaïda existe-t-elle? La base, puisque c'est sa traduction en arabe, n'est peut-être qu'une fiction derrière laquelle s'abritent de véritables mouvements terroristes qui n'ont pas de lien structurel entre eux. C'est ce que pensent de nombreux spécialistes et nous verrons ce qu'en dit M. X. Pour l'opinion, l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale commence vraiment le 11 septembre 2001 avec la destruction des Twin Towers. Mais les services secrets connaissaient depuis déjà quelques années l'existence de cette nébuleuse terroriste dirigée ou inspirée par Ben Laden. Lui étaient particulièrement attribués deux attentats perpétrés en Afrique orientale contre des ambassades américaines. Plus tard, et seulement quelques semaines avant les massacres de New York et Washington, un Français, Jamel Begal, est arrêté à l'aéroport de Dubaï. Pour les services occidentaux, tant français qu'américains, c'est un gros poisson, le chef d'un réseau d'Al-Qaïda qui prépare un attentat contre des intérêts américains à Paris. Et son extradition en France permettra de mettre hors d'état de nuire ses complices. Mais, c'est en tout cas l'avis de M. X, cette arrestation de Begal n'est pas aussi claire qu'il y paraît. Et ce n'est pas un hasard si elle s'est produite 6 semaines avant les attentats du 11 septembre. Avec X. C'était un secret de polichinelle au début de l'été 2001. Les services de renseignement occidentaux savaient que les terroristes islamistes préparaient quelque chose. Oui, mais ils ne savaient pas quoi. C'est ça. En fait, ils s'attendaient quand même à ce qu'une ambassade soit à nouveau frappée. Mais une ambassade américaine. Oui. Et à Washington, on avait décidé de renforcer les mesures de sécurité un peu partout dans le monde. Mais donc, pas forcément aux États-Unis. Même. Mais, jusqu'au 11 septembre, les Américains n'avaient jamais imaginé qu'ils puissent être attaqués chez eux. Et pourtant, il y avait déjà eu un premier attentat contre le World Trade Center. Mais c'est juste, en 1993. Et déjà, cet attentat avait été attribué à la mouvance de Ben Laden. Mais les Américains ne pensaient pas que ça puisse se reproduire. Mmh. Et d'où venait cette quasi-certitude que les terroristes allaient frapper incessamment? Il y avait d'abord un faisceau de renseignements recueilli dans le monde entier. Et autant vous le dire tout de suite, je ne crois pas que c'était innocent. Enfin, nous y reviendrons. Les Américains, en outre, avaient une bonne raison de craindre un attentat contre leurs intérêts. Expliquez. Nous en avons déjà parlé ensemble. La clé de l'affaire, c'est l'Afghanistan. Washington, qui a largement contribué à la défaite soviétique dans ce pays, poursuit un objectif prioritaire. La construction d'un oléoduc qui permettrait d'acheminer le pétrole d'Asie centrale à travers l'Afghanistan. Mais alors, il leur faut, pour cela, négocier avec les maîtres du pays qui sont devenus les talibans. Oui, les talibans qu'ils ont soutenus, en particulier par l'intermédiaire des services secrets pakistanais. Mais les talibans ne sont guère pressés d'accéder à la demande américaine, malgré la manne financière que leur procurerait la construction d'un oléoduc. Pourquoi? Que craignent-ils? Pas l'influence occidentale chez eux. En outre, Washington a un autre souci, Ben Laden. Ben Laden qui s'est installé en Afghanistan et qui entraîne ses militants islamistes dans des camps situés dans le pays. Avec la complicité des talibans. Naturellement. Et notez-le bien, on assiste à la fin des années 90 à une recrudescence des attentats contre les intérêts américains. Il y a d'abord eu ces deux attaques très meurtrières contre deux ambassades états-uniennes en Afrique. Attentats qui ont été suivis de représailles. Oui, des bombardements aériens. Oui, au Soudan et en Afghanistan. En 1999, à la frontière canadienne, il y a aussi l'arrestation d'un terroriste arabe dont la voiture était bourrée d'explosifs. Et puis en l'an 2000, c'est un navire militaire américain qui est frappé au large du Yémen. L'USS Cole. C'est ça, hein? Oui. Par conséquent, les États-Unis veulent à tout prix neutraliser Ben Laden, ou au moins le dissuader de poursuivre ses attaques. C'est pour cette raison, mais aussi pour discuter de la question de l'oléoduc, que Washington va engager des négociations directes avec le régime des talibans. Mais l'affaire est délicate. Pourquoi? C'est que les talibans ne sont pas très fréquentables. Leur mépris des droits de l'homme. Et surtout ceux des femmes. Bien entendu. Tout ça fait très mauvais genre. Aux États-Unis, même les organisations féministes commencent à bouger. Bref, on ne peut pas négocier officiellement avec ces gens-là. Et oui, c'est pourquoi les contacts vont être très discrets. Ils ont lieu où? Je sais qu'il y a eu plusieurs réunions à Berlin. Les délégués américains, fortement poussés par leur lobby pétrolier, proposent aux talibans de faire quelques efforts en matière des droits de l'homme et surtout de leur livrer Ben Laden. Et en contrepartie? Bah, ils leur font miroiter les avantages financiers qu'ils retireraient de la construction du pipeline. Et en plus, les Américains promettent de tout faire pour que l'Afghanistan réintègre le concert des nations et bénéficie d'une aide internationale importante. Mmh. L'action des talibans, là. Ils ne sont pas très enthousiastes, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors les Américains haussent le ton. Si vous n'acceptez pas nos propositions, nous interviendrons par la force en Afghanistan. Et cette menace se traduit par une rupture. Quand ? Fin juillet 2001. Mmh. Donc, quelques semaines avant le 11 septembre. Oui, plus étrange encore, il y aura aussi, au cours de ce même mois de juillet, un contact direct entre un agent de la CIA et Ben Laden. Mais si vous le voulez bien, j'y reviendrai un peu plus tard, car ce contact secret est l'un des éléments essentiels de l'affaire du réseau Begal. Mmh, moi, j'ai l'habitude de patienter. Hein. Donc... C'est parce que les négociations avec les talibans ont échoué que Washington peut nourrir de légitimes craintes. En effet, parce que devant la menace américaine, les terroristes peuvent être tentés de frapper préventivement. D'autant que Ben Laden peut toujours redouter une reprise des négociations entre ses amis talibans et les Américains. Les talibans qui, à terme, pourraient bien le lâcher. Toujours à cause des menaces. Là. Bien évidemment. Ouais. Donc Ben Laden doit prendre les devants et ruiner ainsi définitivement toute possibilité d'un accord. C'est pourquoi les services secrets américains sont en droit de s'attendre à une attaque imminente. Mais... C'est un peu suicidaire, enfin, je pense à Ben Laden, là. Parce que s'il prend les devants, comme vous dites, il sait désormais que c'est une lutte à mort qui l'opposera aux États-Unis. C'est certain. Et il doit être parfaitement conscient qu'une attaque de grande envergure contre les Américains entraînera des représailles en Afghanistan même et réduira à néant son sanctuaire établi dans le pays. Mais c'est le prix à payer pour réaliser la plus grande opération de communication jamais entreprise par une organisation terroriste. Ouais, d'accord, même si votre... Dernier propos me paraît outrancier. Mais non, non, non, c'est la vérité. Les attentats, tous les attentats terroristes sont d'abord destinés à frapper l'opinion. Ce sont des actes meurtriers, mais aussi symboliques. Ouais, admettons. Alors, il est peut-être temps de parler de ce Jamel Begal, arrêté en juillet 2001, dans les Émirats Arabes, hein, c'est à Dubaï précisément. Oui. Un mot peut-être sur le personnage. Mmh, volontiers. Hein. Quand il est arrêté, Begal a 36 ans. Il est né en Algérie, puis il est venu en France avec sa famille. En 1993, je crois, il obtient la nationalité française. Il a fait des études, il a un métier Des études, oui, il a passé un diplôme universitaire. Dans quel domaine? La gestion, je crois. Mm-hmm. Mais il n'exercera jamais le métier pour lequel il s'est préparé. Et on le verra travailler sur les marchés entre deux périodes de chômage. J'ajoute que le jeune homme s'est marié avec une Française qui lui a donné deux fils et s'est converti à l'islam. Il vit alors à Corbeil-Essonnes, dans une HLM, et tous ses voisins le trouvent sympathique et serviable. Mmh. Sa femme s'est convertie, c'est Begal qui le lui a demandé ? Vraisemblablement. Ouais, c'est donc un musulman pratiquant ? Oui, il a d'abord été très influencé par un homme dont on parle beaucoup en ce moment, Tariq Ramadan. Ramadan qui appartient au mouvement des frères musulmans fondé par son père ou son grand-père, je ne sais plus, commence alors à être très écouté par les jeunes musulmans des banlieues. Mais ce n'est pas la seule influence que subit le jeune Begal. Qui d'autre ? Il se rapproche d'un mouvement islamiste encore plus radical, le Tabligh. Ce sont les militants de cette obédience qui lui font découvrir des cassettes sur le combat des moudjahidines afghans. Et peu à peu, il l'endoctrine. Le devoir d'un musulman, c'est le djihad, la guerre sainte contre les infidèles. Oui, mais pratiquement, que fait-il, là, lui, Begal ? Bah, à vrai dire, c'est assez flou. Il voyage en Europe, rencontre d'autres islamistes, ça lui vaut d'être repéré par la police. Et en 1994, à l'occasion des grandes rafles dans les milieux du GIA... C'est-à-dire les terroristes algériens. Hein. Oui, des gens qui ont perpétré des attentats chez nous et détourné un Airbus d'Air France. Donc, à cette occasion, Begal est arrêté. Mais comme on n'a pas grand-chose à lui reprocher, il est libéré au bout de 3 mois. Mais désormais, il est fiché. Bah, forcément. Et ensuite ? Begal continue à voyager. Il se rend en particulier en Allemagne, où il fait la rencontre d'autres islamistes. Ceux-là appartiennent à une organisation encore plus extrémiste, le Takfir. Mais c'est en Grande-Bretagne que Begal va vraiment trouver sa voie et faire la connaissance de gens qui décideront de son destin. Londres est en effet devenue la plaque tournante de l'islamisme le plus radical. Si radical même que certains spécialistes l'ont rebaptisé le Londonistan. L'abbé Vierre, rédacteur en chef et éditorialiste de RFI, vient de publier un livre exhaustif et qui fourmille de révélations sur Al-Qaïda et ce qu'il appelle les coulisses de la terreur. J'en extrais ceci. L'abbé Vierre évoque les négociations entre Américains et talibans. L'échec de la négociation de Berlin a précipité les événements. Les services pakistanais ont aussitôt transmis la menace d'intervention militaire de Washington à Oussama Ben Laden et à son entourage. Si les attentats de New York et Washington sont en préparation depuis un an déjà, c'est l'imminence d'une opération américaine contre les sanctuaires afghans du milliardaire saoudien qui accélère la fin des préparatifs. Pour des questions de prestige et de crédibilité, les activistes islamistes doivent garder l'initiative, frapper avant d'être frappés. Des attentats préventifs en quelque sorte. C'est l'Égyptien Eman al-Zawahiri, le principal lieutenant et médecin personnel du Cheikh, qui prend la décision et déclenche la machine infernale. Le livre de Richard Labévière, Les coulisses de la terreur, est récemment paru chez Grasset. Nous allons venir là sur ce Londonistan, mais auparavant, dites-moi pourquoi Bégal a quitté la France. Hein. Vous avez raison de souligner ce point, car Bégal, avec femme et enfant, a quitté très vite Corbeil-Essonne, et de nuit. Manifestement, il craignait d'être à nouveau arrêté par la police française, et c'est presque naturellement qu'il a rejoint Londres, foyer de l'islamisme radical et refuge des prédicateurs les plus anti-occidentaux. Un islamisme toléré par les autorités britanniques. Mais c'est moins qu'on puisse dire, oui. La police britannique préfère surveiller ces gens plutôt que d'en faire des clandestins. Mais il est vrai que cette politique a souvent été jugée trop laxiste par les partenaires de la Grande-Bretagne. Des partenaires qui considèrent que tous ces islamistes activistes sont en réalité la partie émergée d'Al-Qaïda. La branche théorique, si vous voulez. Mmh. Mais je connais suffisamment les services britanniques pour être convaincu qu'ils ne doivent pas rester inertes. Mmh. C'est-à-dire ? Ils ont certainement infiltré certains de ces groupuscules islamistes. Et d'ailleurs, l'un des imams dont Bégal va recevoir l'enseignement a vraisemblablement été un informateur du MI5, le service britannique de renseignement intérieur. Et si c'est vrai, il ne fait nul doute que cet homme a joué un rôle dans l'arrestation de Bégal. Enfin, n'allons pas trop vite. À Londres, et plus généralement en Angleterre, le jeune homme subit donc une formation théorique. Un endoctrinement. Enfin, c'est une question d'appréciation, mais je suis d'accord avec vous. Ces organisations islamistes sont très comparables aux sectes. Il s'agit d'abord de laver le cerveau des nouveaux adhérents. Bégal a alors deux mentors. Le premier, cet imam, dont beaucoup de spécialistes du renseignement pensent qu'il est manipulé par les services spéciaux britanniques. Son nom ? Abu Qatada. Mm-hmm. C'est un Palestinien qui a été condamné à mort en Jordanie pour sa participation à plusieurs attentats contre les Américains. En Grande-Bretagne, il a été arrêté à de nombreuses reprises, mais à chaque fois, il a été remis en liberté. Ah ouais, ce qui vous fait penser qu'il aurait pu être un informateur des services britanniques ? Oui, il faut ajouter que cet homme disparaîtra après les attentats du 11 septembre. Et puis il refera surface après plusieurs mois et sera mis à l'ombre par la police. Mis à l'ombre ou protégé ? On peut peut-être s'interroger. Quoi qu'il en soit, ce Qatada n'a jamais fait mystère de sa sympathie pour Ben Laden. Et ses prêches incendiaires ont eu beaucoup d'écho dans la communauté musulmane de Grande-Bretagne. Le second mentor de Bégal est aussi un Palestinien, un certain Abu Walid, un ancien du djihad en Afghanistan qui a de nombreux contacts au Pakistan. Bégal, c'est forcément un militant prestigieux. Bien sûr, mais l'enseignement que reçoit Bégal n'est pas seulement théorique. Il apprend aussi à fabriquer de faux papiers, par exemple. Et ça, c'est les travaux pratiques. Oui, il est aussi chargé de recruter d'autres militants ou bien de recueillir des dons pour la cause. Des dons qui sont centralisés par ce Walid. Mais Bégal ne peut pas rester là. Pour faire ses preuves, il faut que tôt ou tard, il rejoigne le cœur actif de la révolution islamique. Ouais, c'est-à-dire l'Afghanistan. Oui. Et en 2000, Bégal fait ses valises. Et toujours accompagné par sa famille, il part pour le Pakistan. Et de là, il est conduit à travers les montagnes vers un camp militaire afghan. Mais auparavant, et ça explique sans doute que Bégal n'a pas hésité à faire ce voyage, il a eu quelques ennuis avec la police britannique. De quel ordre ? Il a aidé un ami marocain divorcé à enlever ses enfants et à les conduire au Maroc. Donc il fuit plutôt précipitamment. Oui, c'est exact. Mmh. Il se retrouve donc en Afghanistan, dans un camp militaire, vous dites. Oui, un camp d'entraînement situé dans les environs de Kandahar et dirigé par un proche de Ben Laden, un nommé Abu Zubaïda. Qui est-ce, lui ? C'est un Algérien, un vétéran des combats islamiques qui a déjà formé des combattants envoyés ensuite en Bosnie et en Tchétchénie. C'est un spécialiste de la guérilla urbaine et de l'utilisation des explosifs. Et à ce titre, il a sans doute été impliqué dans les attentats contre les ambassades américaines en Afrique orientale. Bégal apprend le maniement des armes, des explosifs. Oui, véritable formation paramilitaire qui dure quelques mois. Bégal bénéficie aussi d'un entraînement technique de l'espionnage. Bon, tout ça veut dire qu'on entend lui confier un jour ou l'autre une mission. C'est évident. Et au printemps 2001, Zubaïda lui apprend que le temps de l'action est venu. Jamel Bégal est chargé d'une opération de confiance. la préparation d'un attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris. Ah, c'est pas rien, ouais. Et en effet, car cette enceinte diplomatique proche de la Concorde est particulièrement surveillée et protégée. Et quel est le plan prévu ? Le scénario est classique. Un kamikaze doit forcer l'entrée du bâtiment avec un véhicule bourré d'explosifs. Un attentat suicide. Oui, c'est ça, oui. Et c'est Mégal qui doit conduire ce véhicule piégé ? Non. La tâche qui lui est assignée est celle d'organisateur. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une mission de confiance ? Une mission qui, incontestablement, doit flatter l'ego de Bégal. Le petit militant islamiste de banlieue devient enfin un personnage important du djihad. Et cette préparation, alors ? Bégal doit rejoindre Paris en passant par le Maroc, où on lui remettra une grosse somme d'argent, et il profitera de cette escale marocaine pour se débarrasser de son passeport et en demander un nouveau à l'ambassade de France. Quelle raison, là ? Pour effacer toute trace de son passage au Pakistan et en Afghanistan. Une fois en France, Bégal doit créer une entreprise d'entretien général et acheter un véhicule commercial, une bonne couverture pour effectuer les repérages indispensables autour de l'ambassade américaine. Ouais. Il est aussi prévu qu'il fasse des photos et qu'il les transmette par Internet en Afghanistan via un complice qui opérera depuis un cybercafé. Les transmettre quoi, à Zoubeïda, là ? Oui, c'est lui qui va piloter l'opération et qui donnera le feu vert final. Ouais. Et les explosifs et le candidat au suicide ? L'homme, c'est un Tunisien nommé Trabelsi, établi en Belgique. Un ancien footballeur professionnel qui est tombé dans la drogue, mais qui a été récupéré par l'islamisme. Bégal le connaît bien, car au cours de ses voyages en Europe, il l'a déjà rencontré. Et c'est aussi ce Trabelsi qui doit acheminer les explosifs en France. Le personnage est fiable ? Apparemment, oui. Mais on en reparlera. En outre, Bégal s'est compté en France même sur quelques amis ou parents qui lui sont dévoués et prouvent pour lui une véritable admiration pour son engagement. Alors, Jamel Bégal se sent donc prêt. Et il attend qu'on lui donne le signal du départ. Il patiente quelques mois et enfin on lui dit, ça y est, tu peux partir. On est à quelle date là ? Au beau milieu du mois de juillet 2001. Et pour bien lui montrer l'importance qu'on accorde à sa mission, Zoubeïda lui remet des cadeaux personnels d'Oussama Ben Laden. Quoi ? Il y a un chapelet, un flacon d'encens et un cure-dent. Un cure-dent ? Oui, il paraît que c'est un cadeau de grande valeur. Ouais. Bégal doit être flatté. Incontestablement. Hein. Au fait, est-ce qu'au cours de son long séjour en Afghanistan, Bégal a rencontré Ben Laden ? Je ne pense pas, mais je ne peux pas vous le garantir. Bon. Bégal s'envole donc pour le Maroc où il doit recevoir ce pactole destiné à lui permettre de financer l'attentat. Hein. Oui, il est très confiant car Zoubeïda semble avoir tout prévu. Il voyage sous son nom ? Non, on lui a donné un passeport français falsifié mais qui paraît tout à fait authentique. Seulement, à l'escale de Dubaï, les policiers s'intéressent beaucoup à son passeport. Et, c'est la version officielle de la police des Émirats, ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'un faux. Aussitôt, Bégal est appréhendé. Ah, vous avez parlé de version officielle, il y en a une autre. Bien entendu, parce que cette histoire de passeport est bidon. En réalité, les dés sont pipés. Le jeune Français est attendu à Dubaï et on sait parfaitement qui il est. Ah, il a donc été trahi. Ah, et c'est ce que je crois, oui. Et vous allez voir que la suite du récit va me donner raison. Dans leur ouvrage intitulé Ils ont tué Massoud. Les journalistes Jean-Marie Ponto et Marc Epstein décrivent ainsi l'entraînement subi par Jamel Bégal en Afghanistan. Bégal, affublé du nom de guerre d'Abu Ahmed, s'entraîne donc dans le camp libre de Kaboul, selon sa propre expression. Une formation de base, initiation au tir et au pistolet et à la Kalachnikov. Après 15 jours de cet entraînement fondamental, Bégal retourne voir son parrain, El Walid, pour lui demander un nouveau conseil. Son mentor, fier de son élève, lui glisse à l'oreille qu'une opération secrète est en préparation et qu'il pourrait y participer. Mais pour cela, il doit suivre un entraînement spécial dans un camp réputé aux environs de Kandahar, capitale spirituelle de l'Afghanistan, des talibans et lieu où réside le mollah Omar. Début mars 2001, selon ses déclarations à la police de Dubaï, Bégal pénètre ainsi dans le Saint des Saints, le camp de l'aéroport. Sous la direction d'un Algérien qui a eu la main droite amputée à la guerre, les stagiaires apprennent à se servir d'une grenade, d'une mine, d'un lance-roquettes. Mais ce centre, réservé à l'élite des djihadistes, ne dispense pas seulement une formation de fantassins. Il fabrique surtout des terroristes. Les élèves apprennent à assembler des bombes, à utiliser des minuteurs. Une simple montre Casio, expliquent les instructeurs, peut servir de détonateur à distance. Le camp de l'aéroport possède aussi une autre caractéristique, beaucoup plus rare, c'est ici que sont entraînés les candidats aux missions suicides. Bégal trahi, avez-vous dit, mais par qui alors ? Je vais vous répondre dans un instant, mais voyons d'abord ce qui se passe dans les Émirats Arabes Unis après l'arrestation de Bégal. Le terroriste se met à table très rapidement. Spontanément ? Ça, c'est autre chose. Et on a donné plusieurs raisons pour expliquer le fait que Bégal ait parlé autant. La première, la plus classique, si j'ose dire, c'est que les policiers ont usé de moyens très persuasifs. La torture ? Pourquoi pas. La deuxième raison invoquée, c'est la religion. Ça, je comprends, moi. Mais si, de bons et persuasifs imams seraient venus dans la cellule de Bégal lui expliquer qu'un bon musulman ne pouvait pas être un terroriste. Et le jeune homme aurait craqué. Vous y croyez, vous ? Non, pas trop. Ouais, alors ? Eh bien, je pense qu'on lui a simplement raconté la vérité. Et ça, ça a suffi à lui délier la langue. La vérité sur la trahison dont il a été victime ? Exactement. Et lorsque Bégal a compris que c'était les siens qui l'avaient donné, il n'a pas hésité à parler, il a tout déballé. Enfin, tout ce qu'il savait. Mais ça aussi, c'était prévu. Il fallait que Bégal parle. Faites encore des mystères. Pas pour très longtemps, tout va s'éclaircir, je vous le promets. La nouvelle de l'arrestation de Bégal est assez rapidement rendue publique. Et naturellement, les Américains sont prévenus en priorité. Pourquoi ? La CIA est très présente dans les Émirats. Mais il y a surtout le fait que, d'après ses aveux, Bégal allait s'attaquer à l'ambassade américaine de Paris. Oui, normal. Oui. Et les Français, là ? Ah ben, ils ont été informés après. Mais Bégal est français et l'attentat devait avoir lieu en France. Oui, je sais, mais la priorité était accordée à la CIA. Toutefois, vous le savez, l'impétueux juge Bruguière se rendra à Dubaï et réclamera l'extradition de Bégal. Oui, il finira par l'obtenir. Oui, en septembre 2001. Interrogé en France, Bégal reviendra en partie sur ses aveux, mais ça n'a plus guère d'importance. Pourquoi ? Bah parce qu'entre-temps, les deux tours du World Trade Center ont été détruites. Mais revenons un tout petit peu en arrière. Première conséquence immédiate des révélations de Jamel Bégal. Les services américains, confortés dans leur idée qu'ils allaient bientôt être frappés par Al-Qaïda, renforcent encore la sécurité autour de leurs ambassades. Oui, parce qu'ils sont persuadés que c'est une cible située à l'étranger qui va être choisie par les terroristes. Hein. Absolument. Ouais. Et les aveux de Bégal le confirment. La deuxième conséquence, c'est que dans plusieurs pays européens, les complices de Bégal sont arrêtés. Quoi ? Parce qu'il les a dénoncés ? Oui. Le footballeur tunisien est appréhendé en Belgique. Et on trouve chez lui des produits chimiques qui auraient pu servir à fabriquer une bombe. D'autres comparses sont interpellés aux Pays-Bas, dont deux Savoyards convertis à l'islam. Les Savoyards. Ouais. Il y a aussi les arrestations en France, dans la banlieue sud de Paris. Oui, là où vivait Bégal. Ouais. Des proches sont mis sous les verrous, dont son beau-frère. Bref, c'est tout un réseau qui est démantelé. Et là encore, c'était prévu. Ouais, il faut quand même finir par m'expliquer, non ? Bégal, je vous l'ai dit, a été trahi par les... Oui, donc par les gens d'Al-Qaïda qui lui avaient ordonné de perpétrer un attentat contre l'ambassade états-unienne de Paris. Oui, pourquoi ? Pour attirer l'attention de la CIA sur les dangers extérieurs qui menaçaient les intérêts américains. Ah oui, alors, pour permettre à une autre équipe de préparer tranquillement les attentats de New York et Washington ? C'est ce que je pense, oui. Alors, Bégal n'aurait donc été qu'une sorte de leurre. Parfaitement. Un leurre d'autant plus crédible qu'il n'était pas seul. Avec son réseau. Oui, un réseau européen, une véritable toile d'araignée islamiste possédant les moyens de perpétrer un attentat. Ouais, les explosifs du footballeur. C'est ça. Mais là encore, ça faisait partie du leurre. Parce que si vous examinez bien la réalité, vous constaterez que ce réseau Bégal n'était constitué que de petites mains. Le footballeur tunisien, par exemple, un ancien drogué, incapable de tenir sa langue et qui avait confié à ses proches qu'il allait commettre un attentat. Est-ce qu'un professionnel du terrorisme, comme les hommes qui vont détourner des avions et frapper les Twin Towers, se serait laissé aller à de telles imprudences ? Bien évidemment, non. Et les autres membres du réseau sont du même acabit ? Plus ou moins, oui. Ouais, alors ce réseau était bidon. Hein. Je n'ai pas dit ça. Il y avait parmi eux des gens déterminés, des illuminés, prêts à passer à l'action. Et le réseau Bégal existait, bel et bien. Mais il n'était pas du même calibre que l'autre réseau, celui qui a frappé le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Par conséquent, on pouvait le sacrifier, quoi. C'est bien ce que vous voulez dire ? Oui. Et sur quoi vous basez-vous pour produire une telle affirmation ? Oh, sur une étrange coïncidence. Je vous explique. Au début du mois de juillet 2001, trois semaines donc avant l'arrestation de Jamel Bégal, un personnage sulfureux arrive à Dubaï dans la plus grande discrétion, et sous un faux nom bien sûr. Qui ? Ben Laden, malade. Il vient subir des soins à l'hôpital de cet émirat, un hôpital américain qui jouit d'une excellente réputation. Il est vraiment malade ? Je le pense. Depuis longtemps déjà, Oussama Ben Laden souffre d'une maladie des reins, et il vient consulter un spécialiste mondialement connu. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Ben Laden vient se faire soigner dans l'émirat. Mais là n'est pas l'important. Ce qui compte, c'est qu'il va recevoir une curieuse visite. Celle du chef du poste de la CIA à Dubaï. Alors que Ben Laden, avant même les attentats du 11 septembre, est considéré comme l'ennemi numéro un des États-Unis. C'est exact, mais... Et déjà, moi, enfin, le fait que Ben Laden ait été accueilli dans un hôpital américain, je trouve ça assez stupéfiant. Ah là, je suis d'accord avec vous, mais reprenons. L'homme de la CIA vient donc voir Ben Laden. Le rendez-vous a sans doute été organisé par les services de renseignement de Riyad. Des services qui ont toujours gardé d'excellentes relations avec Ben Laden, même si celui-ci a été déchu de sa nationalité saoudienne. Mais que peuvent se dire ces deux hommes, enfin, Ben Laden est le type de la CIA. Bon, j'étais quand même pas sous la table, mais j'ai quand même une petite idée. À l'époque, ne l'oubliez pas, les talibans et des délégués américains discutent secrètement. Oui, à Berlin. Ils vont même bientôt se revoir à Berlin, effectivement. Au menu de ces discussions, il y a le sort de Ben Laden. Ben Laden qui peut craindre, nous en avons déjà parlé, que les talibans, sous la pression des États-Unis, ne finissent par le lâcher. Et peut-être même le remettre aux Américains. Oui, alors voilà ce qu'on peut imaginer. Ben Laden aurait pu de lui-même faire une proposition à cet agent de la CIA. Quel genre de proposition, là? Eh bien écoutez, j'arrête les attentats et en contrepartie, vous me fichez la paix. Et en gage de bonne volonté, Ben Laden aurait offert de livrer l'un de ses réseaux. Ah oui, celui de Begin. C'est ça. Ouais. Oh, écoutez, ça me paraît quand même énorme. Mais pas tant que ça. Ben Laden repart pour l'Afghanistan à la mi-juillet. Deux semaines plus tard, Begal est arrêté à Dubaï. Et cette simple coïncidence de date vous permet d'échafauder ce roman? Écoutez, ça n'est pas un roman et j'en mettrai ma main au feu. Mais attendez, quel est l'intérêt de Ben Laden dans cette affaire-là? Il n'a nullement l'intention de signer la paix avec les États-Unis, c'est évident. Mais il a encore besoin d'un petit peu de temps avant de lancer sa grande opération. Oui, les attentats du 11 septembre. Oui, et il a sans doute aussi décidé de précipiter les événements, car ses amis talibans lui ont dit que Washington était résolu à user contre lui de la manière forte. Par conséquent, il va lancer dans les pattes des Américains ce magnifique leurre. Oui, Begal. En effet, un leurre qui va se révéler d'une efficacité redoutable. Les services américains ne verront rien venir avant le 11 septembre. Mais la Maison Blanche prendra quand même sa revanche, hein, en intervenant militairement en Afghanistan et en détruisant pratiquement toutes les structures militaires d'Al-Qaïda. C'est vrai, mais Ben Laden savait qu'il en serait ainsi tôt ou tard. Ouais. Et puis posez-vous la question, êtes-vous vraiment persuadé de l'existence réelle d'Al-Qaïda? Et que voulez-vous dire là? Bah ceci, Al-Qaïda, dont Ben Laden ne s'est d'ailleurs jamais réclamé, n'est pas une organisation pyramidale avec un chef et un état-major. C'est une nébuleuse de petits mouvements indépendants qui ne sont unis que par leur même inspiration islamiste. Oui, et aussi la haine de la civilisation occidentale en général et des États-Unis en particulier. C'est juste. Il est donc exact que les structures militaires, les camps par exemple, ont été détruites en Afghanistan, mais il existe de par le monde toute une série d'organisations qui revendiquent la même idéologie et perpétuent des attentats, sans que Ben Laden leur ait donné l'ordre d'agir. Des organisations qui d'ailleurs ont souvent été d'abord instrumentalisés par les services spéciaux locaux et aussi par la CIA avant de se retourner contre les États-Unis. Comme les talibans. Oui. Mais au fond, la pseudo-existence d'Al-Qaïda rend bien service aux Américains. La lutte contre la pieuvre mythique leur permet de fonder leur croisade planétaire contre le mal et aussi de redéployer leurs forces dans le monde. Jamel Begal a-t-il servi de leurre? Richard Labévière, notre confrère de RFI, dont j'ai déjà cité le livre « Les coulisses de la terreur », en est persuadé. Et il livre une information que lui a confiée un spécialiste français du contre-terrorisme. Selon cet homme, les services de renseignement de notre pays sont certains que Begal a été délibérément livré par ses propres chefs. Nous sommes à peu près sûrs que l'arrestation de Dubaï a bel et bien été provoquée par Abu Zubaïda lui-même pour couvrir la logistique des attentats du 11 septembre 2001. Autre semi-confirmation, cette interview d'Alain Chouette, un ancien chef du service de sécurité de la DGSE. Voici ce qu'il dit à Christophe Dubois, journaliste du Parisien. En ce qui concerne Begal, il a probablement été arrêté sur la base d'informations provenant d'Al-Qaïda. Il pourrait s'agir d'une manœuvre de désinformation de l'état-major de Ben Laden visant à monopoliser l'attention des services occidentaux sur l'Europe pour couvrir la préparation du 11 septembre. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission.